Courval, ta robe danse pour toi. Courval, ta robe danse pour toi. Courval, ta robe danse. On sait Colline rappelait ton allure si douce, tes tresses si fins, tes cheveux couleur nuit. On sait Colline rappelait ton allure si douce, tes tresses si fins, tes cheveux couleur nuit. J'essayais de te séduire, en vain ton cœur était pris. Courval, ta robe danse pour toi, et courval, ta robe danse, et courval.